Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous allons finir l'émission en plongeant dans l'Égypte ancienne à la rencontre des prêtres magiciens. C'est Marie-Claude Dionne, notre archéologue, qui nous y emmène. Bonjour Marie-Claude. Bonjour François. Alors, la première grande civilisation à croire à la survie de l'homme, donc à un monde après la mort, c'est l'Égypte. Et l'ancienne Égypte a été marquée et déterminée par l'expression de cette nouvelle conception du monde. L'Égypte qui était plus connectée à son environnement, qui était aussi assoiffée de connaissances, mais surtout d'explications, va se brancher sur tout ce qui est énigmatique par l'entremise de la magie. C'est une discipline qui est infuse d'imagination, certes, de révélation et parfois même de raison. Alors, à l'époque des grandes pyramides, quelle était la place de la magie? Est-ce qu'on parle d'une pratique marginale ou encore d'une pratique qui était bien ancrée dans la société? Oui, on pourrait croire que c'est un peu comme aujourd'hui, là, la magie est pas vraiment très commune dans notre société. Disons qu'au début de l'égyptologie, je crois qu'elle était perçue un peu comme telle, comme marginale. Mais aujourd'hui, les chercheurs et les archéologues essaient de démontrer que la magie, elle est au cœur de la société égyptienne et qu'elle avait son poids dans la production de la culture, une production culturelle. Plutôt que de la placer en marge de la société, faudrait voir plutôt la magie comme une fabrique de valeurs et de comportements qui va se refléter, entre autres, dans les monuments et les textes qui sont généralement classés comme de la haute culture à l'époque. Okay. D'ailleurs, le développement des temples dans les petites bourgades en Égypte, y compris même le matériel votif qui va en résulter, montre comment la magie a été intégrée partout en province et comment aussi les institutions religieuses de petite envergure ont été capables de laisser leurs traces au sein des structures élitistes de la haute culture à l'époque. Et dans ce contexte, Marie-Claude, est-ce que la magie faisait alors partie de la religion comme telle? Mais il faut savoir que le mot religion n'existe pas dans la langue d'ancienne Égypte. Il n'y avait pas non plus de différence entre la vision du monde religieuse et celle de la vie de tous les jours. Les deux étaient intrinsèquement liés. On pourrait dire que la magie était un peu un vecteur pour relier les deux. La magie ou le nom Eka, sous son nom égyptien, n'était pas une pratique profane, puis peut-être plutôt une pratique religieuse ou un genre de mélange entre les deux. Okay. Dans le mythe égyptien, la magie est l'une des forces qui est utilisée par le grand créateur pour former ou pour créer le monde. Au moyen de l'Eka, on croyait que les actions symboliques pouvaient avoir des effets dans le monde réel. Parce que tous les dieux et tout organisme vivant sur Terre, et plus encore, renfermaient une certaine portion de cette magie-là. Chaque aspect de la vie, donc, comme chaque mot, chaque plante, animal ou même rituel, pouvait être contrôlé par le Eka, en fait par les prêtres qui pratiquaient de la magie. Mais par exemple, il y avait des règles et de la façon dont on pouvait utiliser et pourquoi on pouvait utiliser la magie. Mm-hmm. Les prêtres étaient les principaux praticiens de cette magie-là dans l'Égypte pharaonique, où ils étaient considéré comme un genre de gardien d'une connaissance secrète qui était donnée ultimement par les dieux pour l'humanité, donnant ainsi une certaine façon de pouvoir se parer des coups du sort ou même les coups des divinités. Et les utilisateurs les plus respectés de la magie étaient les prêtres lecteurs. C'est une drôle de définition, là. C'est ce qu'on pourrait dire dans la traduction. En fait, eux pouvaient lire les livres de magie antique qui étaient conservés dans les bibliothèques qu'on pouvait retrouver dans les temples et dans les palais. On raconte même dans les vieilles histoires que de tels hommes pouvaient amener des animaux de cire à la vie ou voire même faire reculer les eaux d'un lac. Là, on peut peut-être se demander, est-ce que c'est les premiers exemples de tours de magie à l'époque? Moi, ça, on ne saura peut-être jamais. Et ces prêtres magiciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quel était leur rôle dans la société? En fait, ils étaient là pour effectuer des rituels magiques pour protéger ultimement le roi, le pharaon, et aider les morts à se réincarner. Leur rôle sera éventuellement pris en charge par des vrais magiciens qu'on va appeler les Ekaou, vers le premier millénaire avant Jésus-Christ. Dans les textes, on retrouve d'autres types aussi de prêtres magiciens. Il y a la magie de la guérison qui était une spécialité de certains prêtres qui servaient sous la divinité de la maladie Sekhmet. On retrouve aussi dans un statut un peu inférieur des charmeurs de scorpions qui pouvaient utiliser la magie pour se débarrasser des reptiles ou des insectes venimeux qui rôdaient à certains endroits. Puis on sait aussi que les sages-femmes et les infirmières comptaient parmi leurs compétences de la magie aussi. Ah bon? Et on va retrouver beaucoup d'amulettes aussi à l'époque que l'on pouvait obtenir auprès de certains faiseurs de protection, ou certains prêtres magiciens. C'est une magie qu'on pourrait peut-être qualifier de plus domestique ou familière, mais elle était quand même pas désapprouvée par la religion, disons, ou même par l'État. Ce qu'on voit par exemple apparaître, c'est les étrangers qui étaient souvent accusés de malmener un peu la magie ou d'en profiter puis de faire de la magie maléfique. Okay. On va retrouver plusieurs cas plus tard à la période romaine de magiciens, autant étrangers que locaux, qui ont pratiqué une magie qu'on peut dire malfaisante pour avoir une récompense financière, donc dans un but d'avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur la technique qu'utilisaient les prêtres lecteurs? Selon les différents textes qu'on retrouve à l'époque sur la pratique du Hekka, l'aurore était le moment le plus propice pour faire de la magie. Donc, tôt le matin, le magicien devait aussi être dans un état de pureté rituelle, ce qu'on appelle, il y a l'abstinence sexuelle, bien sûr, il y a aussi le fait d'avoir pris son bain, okay, d'avoir des nouveaux habits aussi, d'avoir contacté très peu de personnes. Et l'outil de prédilection, et sans grande surprise, ou peut-être c'en est une aussi, c'est la baguette magique. Donc, À l'époque, c'est ce qu'on utilisait encore aujourd'hui un peu, c'est l'idée qu'on a de l'outil du magicien. Les différentes représentations que l'on retrouve sur les murs des temples et aussi sur les palais vont toujours montrer les prêtres maniant une baguette. On en a retrouvé en plus un exemple qui est en ivoire. Elle est en fait le symbole, on pourrait dire, d'une autorité sur les êtres puissants, sur les divinités aussi, afin de les rendre obéissants à ce qu'on leur demande de faire. On atteste dans les écrits quelques baguettes de métal, mais comme j'ai dit, on en a retrouvé en ivoire. Elles sont en forme un genre de demi-cercle, un peu comme un boomerang, donc elle n'est pas droite comme on pourrait s'attendre aujourd'hui. Et elles étaient décorées de certains motifs, souvent des divinités très puissantes, pour un peu donner un peu de pouvoir à la baguette. Et elles auraient été utilisées pendant le deuxième millénaire, là, jusqu'à une période plus récente aussi. Il y a un type de magie qui était plus puissant que d'autres, c'est celle qui était écrite. C'est celle qui pouvait être pratiquée que par un faible pourcentage de personnes, de prêtres, parce qu'ils devaient être entièrement lettrés pour comprendre ce qui était écrit, en fait. Bien sûr, ouais. On retrouvait plein de sorts ou plein d'envoûtements dans des collections privées. C'était des précieuses possessions là, qu'on donnait pas à tout le monde. Elles étaient transmises seulement au sein d'une même famille de magiciens. Et un sort dans cette Égypte ancienne, ça consistait en quoi? Il y a deux parties, en quelque sorte, au sort. La première partie, c'est les mots qui vont être dits. Et la deuxième partie, c'est une description des mesures à prendre. Et bien sûr, pour être efficace, tous les mots, on s'en doute très fort, sont comme les noms des dieux qui étaient secrets, devaient être prononcés comme il faut. Parce que sinon, ça n'avait pas le même effet qu'on voulait obtenir. Et pour aussi donner un peu plus d'aplomb au sort, on pouvait user de musique, de danse, ou aussi d'une certaine gesticulation. Les sorts pouvaient activer le pouvoir d'une amulette, d'une figurine ou même d'une potion. Et fait intéressant, les potions pouvaient contenir des ingrédients assez bizarres, tels que le sang d'un chien noir ou le lait d'une femme qui venait d'enfanter un enfant mâle. Donc, c'est assez précis. Et finalement, pourquoi on les utilise ces sorts? Ben, c'est certainement pour la protection et dans un second lieu, on pourrait dire la guérison aussi. À l'époque, la protection, c'est se protéger contre les fantômes, les démons ou certaines divinités qui auraient pu être jalouses, qui pouvaient provoquer plusieurs malheurs comme la maladie, des accidents, la pauvreté ou même l'infertilité. Le Hekka fournissait donc un système de défense contre plusieurs de ces maux-là. On pouvait, dans une certaine mesure, éloigner le mal aussi en faisant des petits gestes sur le sol, comme le piétiner ou crier ou faire même du bruit avec des hochets ou des tambours. C'est sûr que si ça fonctionnait pas, ben on demandait au prêtre lecteur d'être un peu plus proactif et de dessiner un cercle protecteur autour de la maison pour protéger. Oui. Exactement. Et on pouvait aussi retrouver, dans certains cas, des divinités qui étaient dépeintes sur des meubles ou divers articles ménagers aussi. Et leur travail, ben ça consistait à protéger la maison contre toutes les forces du chaos, toutes les forces du mal qui rôdaient surtout pendant la nuit. Mais à notre époque, les craintes ne sont plus tout à fait les mêmes, mais il existe quand même tout un commerce pour mettre des alarmes et protéger nos maisons contre le mal. Oui, c'est vrai. Merci, merci Marie-Claude. Merci. On passe au mot de la fin.